Tiens, s'il te plaît, Marion, mets-moi la musique de Trova Joli. Ça me fera un fond d'ambiance. Nous voulions changer le monde, mais c'est le monde qui nous a changés. Une seule réplique d'un film d'Ettore Scola, Nous nous sommes tant aimés, pour dire tous les renoncements, toutes les trahisons, toutes les résignations. Ettore Scola est parti, la gauche en pleine déconfiture a perdu un repère supplémentaire. Face à Le Pen, dans le tribunal des flagrants délires, des proches citaient une réplique de Mastroianni dans une journée particulière. Vous vous méprenez, messieurs, ce n'est pas le locataire du sixième qui est antifasciste, c'est le fasciste qui est anti-locataire du sixième. Heureuse période où les choix étaient clairs, Silvio Berlusconi ou Ettore Scola, la bourse ou la vie, la droite ou la gauche. Aujourd'hui, la police protège Charlie Hebdo, le gouvernement socialiste propose la déchéance nationale, la confusion est à son maximum. Ils voulaient changer la vie, mais c'est la vie qui les a changés. Vous avez remarqué, j'ai trouvé ma fonction à France Inter. Il était temps, vous me direz, mais ça y est, je suis content, j'ai trouvé ma vocation. Je suis le Jean-Claude Brialy de la radio publique. Je n'ai plus à trouver de sujet, à compulser les journaux, à me casser la tête pour savoir ce que je vais bien pouvoir raconter. Je n'ai donc plus à harceler Marion, l'assistante de Patrick, pour connaître le nom de l'invité de la matinale. Je m'en fous, je m'en tape, je m'en tamponne, je regarde qui est mort cette semaine et je lui compose son petit hommage. En plus, j'ai l'embarras du choix. Tu préfères qui, me demande de Marion, Tournier, Charleroux, Scola. Si tu patientes encore un peu, on va sûrement t'en trouver d'autres. En ce moment, ça n'arrête pas, ça tombe comme à Gravelotte. Mais Marion, l'interrogeais-je, tu es née en quelle année ? 1986, pourquoi ? Mais alors Marion, mais c'est incroyable ! Sais-tu que tu es la dernière jeune femme née en 1986 qui utilise l'expression « tomber comme à Gravelotte », expression qui fait allusion à la guerre franco-prussienne de 1870 et à cette commune de Lorraine située pas loin de Metz. Ah bon, c'est possible, me fait Marion négligemment. Bon, en tout cas, essaie de pas faire un truc trop grave, genre triste, chiant, moralisateur. Vise plutôt un truc rigolo, genre, je sais pas moi, sur la disparition des Michel, parce que c'est marrant ça, la disparition des Michel. Après Delpech, Galabru, Tournier, tu peux conseiller à Drucker, Blanc, Bouquet, Bougenat, Piccoli, Platini, Fugain, de prendre soin d'eux, de mettre un cache-col avant de sortir, de faire l'examen colorectal, des trucs comme ça. Pas mal, ouais, marrant, oui, je dis... T'as pas l'air convaincu ? Bon, après tout, débrouille-toi, moi je m'en tamponne le coquillard. Bon, je vais voir ce que je peux faire. Marion, remets-moi la musique de Trova Joli, ça donnera un climat nostalgique. Ettore Scola est parti, un radeau qui coule, un repère qui s'efface, une balise qui se perd, un phare qui s'éteint. À ma connaissance, Marion est la dernière jeune femme née en 1986 à utiliser l'expression « s'en tamponner le coquillard ». François Morel en direct et en duplex de France Bleu La Rochelle.